sous emprise, larmes dans nos faces, dans d'illusions qui dorment à poing fermé dans nos cases. Ma parole, on garde nos sens éveillés même sur somnol. Juste ceux qui pénètrent chez toi munis d'une clé de sol. Fraction de seconde, la faucheuse peut faire sa ronde. Alors on se dévergonde, quand nos verres grondent, la rime féconde dans la. J'sais toujours pas si ça suffira, pour l'instant j'y pense pas, alors advienne que pourra. Qui sait, j'ai pris la plume à cause d'un signe, ça m'a fait planer. Sur qui voudra m'en empêcher, je crois pas qu'il est né. Sur feuille, je prends mon panard et pour que j'arrête, il est pas l'heure, c'est ça mon art, pas de talent pour être footballeur. Vocation brailleur, va voir ailleurs si j'y suis à l'heure. Moi je garde mon porte-bonheur afin qu'on sorte vainqueur. Tellement peu de choses qui me tiennent à cœur en fait. Ma femme, ma famille et mes proches en tête, c'est ça mon en fait. Voilà ce qui me tient, bouc, on sait pas la fête. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur liste noire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur l'histoire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. 3 ans que j'écris, toujours pas de concret. À force de penser à ma vie, je vois plus que c'est contraire. C'est paradoxe à l'infini, merci aux compères. 18 sans crew, la famille, faudra bien qu'on perce. Où on trace, faut qu'on apprenne, elles sont bien loin les connaissances acquises en classe. Où on a même pas profité, on a pas su. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'es un môme, les livres de cours, tu kiffes pas dessus. Je faisais que d'y rouler des pets, voué à l'échec. Mon but depuis le début, moi c'était de trouver des textes, fumer des pêches, tchadger les meufs, les approcher pour voir leur toucher les fesses. Pour quelques trucs, j'ai grandi, j'espère pas être parfait, mais pas dans un dit. Avec mes rimes, je voulais juste rester moi-même, clean, pour pas faire honte à ma mère, style. Le gars qui joue le méchant, mais qui l'est pas, qui l'est pas là pour suivre les pas des cons, juste pour dire ce qu'on voit, tu vois, connard, écrire c'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a, connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur liste noire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a, connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur liste noire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. J'crains l'enfer du paradis, on peut pas voir le rêve se tarir. Ici j'ai quoi comme avenir, une vengeance maladive. J'ai son armure au gré du temps. Affûter sa lame lyricale pour quitter le temps. D'écrire sans relâche les moments importants. Écrire au moment opportun dans mes textes ou prendre l'importance. Pour une virgule t'as un point, donc j'enlève la ponctuation. C'est trop en but sans déviation. Je crains pas la foudre ni la foule. Si t'aimes pas rien la foutre, la route je la fais à pied sans me faire rapper. Viens rapper. Maintenant tu sais qui je représente. Crois pas complaisante, je rappe pas pour ceux qu'on les ans. Prends feu comme les sens. Choisir le sens, la direction tient éveillé les sens. 18 sens, c'est un art, pas une science. C'est nos vies qu'on a, t'entends ça connard. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a, connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur liste noire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'on a, connard, c'est juste nos vies qu'on a. Y'a des arrois dans l'histoire, si tu nous mets sur liste noire. Le soir on drague des feuilles vierges, vas-y enlève-nous l'espoir. Autant couper les cordes d'une guitare. Six, one, six.